Lundi 13 octobre 2008. Miette 14. Julia Kristeva est une artiste contemporaine qui ne rejoint aucune tradition, aucune. Stalker est un spécimen sociologique. Manuel Montero est un saint. Même les infirmières qui sont venues à l'expo ont dit que j'allais de mieux en mieux. Les dresseurs de chiens à l'université ne veulent pas de réponses compliquées. Symbolique de la couleur dans le cinéma. Pour la connaître, il faut connaître le mode de chaque décennie, voire de chaque année. Il faut connaître les modistes et les designers français et italiens, japonais et américains, quand on s'approche de nos temps et leur univers propre. Le peintre a une approche magique de la théologie. Il doit faire la coiffure de Dieu. La chaste Lucrèce se suicide. Le peuple romain était sensible à ce point à la détresse d'une matrone patricienne. Un babacool écrit sur l'amour, j'ai le livre puisqu'il me l'a donné. De toute façon, il ne parle pas de la chaste Lucrèce. C'est trop tard. On a imaginé Junon, Vénus et Proserpine, même si charnel et quotidien que les statues nous les montrent, l'on ne peut plus les invoquer au foyer, à la récolte. Le peuple qui voit tout ce qu'il y a à voir au cirque, qui se tourne de temps en temps vers son ombre, chuchoté et il compatit avec les damnés, le peuple qui ignore tout ce qu'il y a à voir dans l'architecture du cirque. Mes amis qui comprennent les journaux me semblent avoir une vie bien plate, sauf folie. Le livre n'était pas religieux au début, c'est avec le christianisme qu'il est devenu. Le sacré n'était pas fait pour les lecteurs, jusqu'à ce qu'il devienne utile et rhétorique. Quand je cherche la rhétorique et que je ne sais pas où je l'ai laissée, j'appelle Aristote à mi-voix comme on appelle un chat qui se serait dérobé. André Breton, c'est la carte de visite d'un plombier. Modernité du pouvoir, ou bien modernité de la contre-culture, et pas de groupe mixte, disait mon prof d'éthique. Pendant tous ces temps, les trois autres enfants chantaient dans la classe des religions.